Vitaliho. Albert Nouaillot assure la mise en onde. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. 2000 tonnes de terres rares ont été exportées par la société Rainbow Mining Burundi pendant 4 ans, mais le Burundi n'a pas eu sa quote-part. Le ministre burundais ayant en charge l'énergie et mines l'a déclaré ce lundi lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code des miniers devant les députés de l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante est en train de réfléchir sur sa contribution dans l'élaboration de la loi électorale 2025-2027. Le président de la Commission l'a dit ce lundi lors d'une conférence de presse, vous l'entendrez. Dans ce journal également, l'économiste Gilbert Niongawo s'exprime sur la décision portant limitation de déplacement de la production d'une province à une autre. Il dit que cela devient légal quand c'est fait sur base des statistiques et de ce que chaque province a comme production ou ce dont elle a besoin. Vous n'avez pas Isangani l'eau ? Vous ratez l'essentiel. La Commission électorale nationale indépendante est en train de réfléchir sur sa contribution dans l'élaboration de la loi électorale de 2025-2027. Déclaration du président de cette commission dans une conférence de presse tenue ce lundi. Dr Pierre Claver-Kazi s'indique en outre que cette commission a déjà commencé le travail de cartographie électorale suivant la nouvelle loi portant des limitations des entités administratives du Burundi. Suivez. Toute élection repose sur un cadre légal réglementaire. Et c'est en période préélectorale comme celle-ci que ce cadre doit être mis en place. Pour le cas qui concerne notre pays, il y a eu des élections générales en 2020. La loi électorale qui était en vigueur, c'était la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019, portant modification de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014, portant code électoral. La CENI a organisé le processus électoral de 2020 en se référant sur les dispositions de cette loi. D'une part, les conditions de mise en œuvre des dispositions de cette loi se sont révélées variables. Pour la plupart, ces conditions étaient faciles, mais certaines dispositions l'étaient moins. D'autre part, après les élections, nous avons procédé à une évaluation du processus électoral ensemble avec les partenaires électoraux qui avaient participé dans ce processus. Et des recommandations en vue d'améliorer les processus postérieurs sont sorties de cette consultation. Enfin, il y a la nouvelle loi organique numéro 1/5 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et aux quartiers de la République Burundi qui vient d'être promulguée. Tenant compte de tout cela, c'est-à-dire l'expérience de la CENI, les recommandations des partenaires électoraux et cette nouvelle loi, la CENI réfléchit sur l'amendement de certaines dispositions de la loi électorale actuelle. Les propositions qui seront dégagées seront transmises aux autorités habilitées. La cartographie électorale est un outil indispensable, préalable à la mise en œuvre des opérations électorales. Elle consiste à identifier de manière précise sur tout le territoire national les centres d'inscription des futurs électeurs qui deviendront plus tard des centres de vote, logeant les bureaux de vote. Vous savez que les données que nous avons aujourd'hui correspondent aux anciennes délimitations des entités administratives du pays et il nous faut maintenant appliquer la nouvelle loi qui a mis en place les nouvelles délimitations territoriales. Ce travail de cartographie a déjà commencé et doit continuer, y compris sur le terrain, dans les zones, les communes et les provinces. Limiter le déplacement de la production d'une province à une autre devient légal quand cela est fait sur base des statistiques et de ce que chaque province a comme production ou ce dont elle a besoin. Analyse de professeur Gilbert Niongawo sur base de la décision du ministère de l'Intérieur portant limitation de déplacement de la production d'une province à une autre. Professeur Gilbert Niongawo explique qu'une telle mesure a pour but d'éviter les pénuries et spéculations sur les prix. Sinon, l'échange de la production entre régions reste toujours nécessaire. Suivez plutôt professeur Gilbert Niongawo au micro d'Alain Désiré Boukéenez. L'objectif de cette mesure, c'est d'abord d'assurer l'équilibre au niveau de la demande, tant au niveau de l'offre, au niveau des marchés locaux, pour éviter des pénuries qui commencent souvent déjà dès le deuxième mois, même le premier mois dans certaines localités. C'est pour assurer cet équilibre, pour éviter qu'il y ait des pénuries et qu'il puisse y avoir aussi, à certains moments, peut-être même des hausses spéculatives. C'est pour éviter en fait des spéculations. Peut-être dans une période de pénurie, ça peut s'avérer dommageable pour les producteurs agricoles. Voilà. Est-ce que c'est conforme au libéralisme économique que prévoit la législation relative au commerce intérieur? Tant qu'on n'a pas empêché quelqu'un de vendre sur le marché local, c'est toujours légal. Parce que le rôle de l'État, c'est de réguler les marchés aussi. C'est vraiment d'assurer qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Mais aussi, on se constate qu'il y a des producteurs agricoles qui, dès la récolte, acheminent toute leur production vers le marché. Donc, c'est pour éviter qu'il puisse y avoir un certain équilibre. Aujourd'hui, ils ont récolté au mois de juin, mais bientôt, la prochaine récolte sera peut-être démarrée, la saison C. Et peut-être, il faut vraiment assurer l'équilibre tout au long de la saison. Éviter donc qu'il puisse y avoir aussi des pénuries artificielles ou bien des rebonds en termes de stockage. Il faut voir si c'est nécessaire. Et si nous avons un ministère du commerce, ministère des finances, quel sera leur rôle dans cette matière? A priori, c'est le commerce intérieur qui s'occupe de cette production intérieure et des marchés locaux. Alors, si vous allez au niveau de l'administration territoriale, l'administration locale est gérée par le ministère qui est en charge des affaires intérieures. C'est une question de collaboration entre différents ministères pour s'assurer que ce qui se passe au niveau administratif, aussi au niveau des marchés. Je pense qu'ils ont toutes les informations, ils ont les données statistiques, donc ils peuvent gérer, on va dire, à bon escient. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire actuellement, le gouvernement est en train d'estimer d'abord la production. Et c'est que si les chiffres et données statistiques permettent peut-être d'avoir des excédents dans certaines communes, provinces, pas par d'autres, on va dire permettre à certains marchés de s'échanger mutuellement les produits. Et vous savez qu'il y a toujours des centres urbains qui sont réputés ne pas produire des produits agricoles, qui font autre chose. Donc c'est-à-dire que c'est une demande qui est connue et parfaite. C'est à partir de ce moment où il y a des productions, peut-être il y a des. Si on a une province quelconque où on a des excédents, on va dire c'est à telle province peut-être d'aller vendre dans certaines localités. Je pense que c'est ça le plus important. Plus de 210 000 Burundais ont regagné leur patrie à partir de l'année 2017. Déclaration de l'assistant du ministre de l'Intérieur ce lundi à la veille de la journée mondiale des réfugiés. Célestin Bonassizé précise que le Burundi héberge plus de 84 000 réfugiés. Le gouvernement de la République du Burundi a accueilli et continue d'accueillir des demandeurs d'asile qui fuient leur foyer chaque année et veillent à ce que leurs droits et leur dignité soient protégés partout sur le territoire national. Il y place en outre la solidarité et la compassion au cœur de son action. Au 31 mai de l'année en cours, le Burundi comptait un effectif total de 2861 demandeurs d'asile et 84 795 réfugiés depuis 2017. Au 31 mai 2023, 210 173 Burundais ont été rapatriés à partir des pays d'asile. Les personnes à risque d'apatridie sont au nombre de 791 selon la mise à jour de la base de données. Tous ces réfugiés disposent de leurs documents d'identification et peuvent se quitter librement sur tout le territoire national conformément aux lois et règlements nationaux ainsi qu'aux conventions et protocoles internationaux et régionaux ratifiés par le Burundi. En conformité avec le thème de cette année, le gouvernement de la République du Burundi fait appel à une plus grande inclusion des réfugiés dans les systèmes éducatifs et sanitaires. Le gouvernement les encourage en plus à suivre le curriculum burundais dans les écoles publiques pour une bonne harmonisation des systèmes éducatifs afin de permettre une bonne intégration des réfugiés au Burundi. Je vous le disais en titre, le Burundi n'a pas eu sa quote-part sur les 2000 tonnes de terres rares qui ont été exportées par la société Rainbow Mining Burundi en 4 ans. Précision du ministre ayant en charge les mines ce lundi lors de l'analyse du projet de loi portant révision du code minier burundais, lequel projet de loi a été adopté à 100%. Ibrahim Ouizeye a également indiqué que l'exportation de 400 autres tonnes a été suspendue. Il appelle les Burundais à mettre en avant l'intérêt général du pays. Suivez-le, traduit en français par Alain Désiré Oukéenèse. Imwaya ma société ashika ane agarikwa pour ce qui est de Gakara, Ce n'est pas encore fini. C'est l'une des quatre sociétés dont les activités minières ont été suspendues. Vu la façon dont ils exportaient la matière, on y voyait des recettes. Mais on a eu juste les taxes payées à l'OBR. Quelqu'un a demandé quelles quantités ont été exportées. Ils ont déjà exporté 2000 tonnes de terres rares. Il y a aussi l'exportation de 400 tonnes que nous avons suspendues. Sur ces 200 tonnes, on n'a rien eu comme part de l'État. On s'était convenu 10% comme capital social. Et puis, on ne maîtrisait pas le circuit d'exportation. Les teneurs dans les concentrés n'étaient pas maîtrisées. Nous les appelons à venir pour qu'on en parle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a accordé un délai de 3 mois pour que le pays ne continue pas à perdre. Si ça ne marche pas, nous allons en finir. Il faut protéger les intérêts du pays. Il y a quelques jours, ils sont venus, mais la délégation n'était pas bien représentée. C'est une société mixte. C'est nous et c'est eux, Rainbow International Resources. On nous a envoyé ceux de Rainbow Mining. On a demandé cette fois-ci la délégation ayant le pouvoir de décision. Autre chose, il y a eu beaucoup d'erreurs. C'était mentionné qu'ils exploitent 5000 tonnes par an. Heureusement, sinon, en 4 ans, ils nous auraient volé 20 000 tonnes de terres rares. Le cursus dans les maquettes journalistiques va être bientôt perfectionné dans les institutions universitaires telles que l'Université du Burundi, l'Université du Lac Tanganyika et l'Université Lumière de Bujumbura. François-Xavier Muleha, président du Centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur le développement de la région des Grands Lacs, CARID, RGL, l'a déclaré ce lundi lors d'un atelier de réflexion sur les programmes de formation en communication, journalisme et audiovisuel. Il ajoute que les disciplines de connaissances générales et celles de déontologie seront renforcées pour que les lauréats puissent avoir de l'expertise. Suivez. Les enseignants de l'université, de l'école supérieure de journalisme de Livre, qui sont venus former les formateurs dans ces trois universités, ils ont jeté un regard sur les maquettes de formation. Ils ont quand même remarqué, constaté certaines lacunes à améliorer dans ces programmes. C'est pourquoi nous sommes là pour. Ces lacunes, c'est que on a besoin de renforcer les connaissances générales. Par exemple, il faut renforcer les connaissances de base en géographie, en histoire, en sciences politiques, en philosophie, en sociologie. Donc, il faut des connaissances de base d'une part fondamentale. Et il faut aussi de la spécialisation. Parce que les journalistes couvrent des domaines comme l'économie, comme le sport, comme la santé, comme le droit. Donc, il faut de la spécialisation dans ce genre de choses. Troisièmement, se fait sentir un besoin de éthique. Non, ce que nous envisageons faire, c'est juste voir les maquettes de formation, de faire appel à ces journalistes, à ces professionnels qui sont expérimentés pour apporter un appui en expérience à ces nouveaux. Les centres de lecture et d'animation culturelle sont d'une importance capitale pour les jeunes et adultes de la province de Mwaro. Confirmation de ceux qui se ressourcent dans ces CLAC ainsi que les responsables de ces derniers. Aline Ndikumana, responsable du CLAC Kayokwe, appelle les directeurs d'école des environs ainsi que les parents à sensibiliser les enfants pour qu'ils visitent ces centres en vue de bien renforcer leurs connaissances. Les détails, c'est dans ce reportage d'Evariste Nzikowanyang. Je ne peux pas laisser mon petit bateau sans un petit pour le faire. Nous sommes à l'intérieur du centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Kibumbu, en commune Kayokwe de la province Mwaro. Certains des élèves des environs qui viennent se ressourcer dans ce centre confirment qu'ils y tirent beaucoup de connaissances. Jadila Iratouzi, élève à l'Ecofo, les mignons de Saint-Joseph de Kibumbu, en quatrième année, on l'a trouvé dans ce centre. Quelquefois, les évaluations portent sur les matières qu'on lit ici. C'est pourquoi je fréquente souvent le CLAC. Le CLAC est très important. Ici, on apprend aussi les jeux comme Rudo, Dame, pour ne citer que cela. Ce ne sont pas uniquement les élèves qui viennent se ressourcer dans ce centre de lecture de Kibumbu. Ceux qui ont terminé leurs études y vont souvent pour renforcer leurs capacités. Claude Nheshimana d'Okayokwe est parmi ceux-là. C'est que les enfants et en même temps les adultes fréquentent ici améliorer leurs connaissances. Aujourd'hui, je viens de passer ici pour chercher un petit livret ou bien pour chercher quelques termes dans le dictionnaire qui se trouve ici. Aline Ndikumana est responsable du CLAC Kibumbu. Elle apprécie l'affluence des jeunes et adultes à ce centre. Cela étant, elle a besoin de voir les effectifs gonflés, d'où elle lance un appel aux éducateurs, aux directeurs des écoles et parents d'élèves de les sensibiliser à venir nombreux dans ce centre de lecture. Ce CLAC Kibumbu aide tous les habitants qui se trouvent en place de CLAC, recevoir tous les âges. Les petits, les grands, les vieux fréquentent le CLAC sans payer, gratuitement. Dans le CLAC, il n'y a exception aucune. Tous viennent de la même manière. Nous allons aux écoles différentes pour sensibiliser. Nous demandons aux profs de français pour nous aider. Ils envoient leurs enfants pour prendre les livres. Le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC de Kibumbu a été créé en 1992. Radio Isanganiro, chronique sport. Les journalistes sportifs et les amateurs de football ont beaucoup contribué dans la promotion du football burundais. Toutefois, certaines équipes éprouvent des difficultés financières. Le général de brigade de police, Alexandre Muyenge, président de la Fédération burundaise de football, explique que cette situation est due notamment au manque de sponsors de la part de certaines sociétés. Les détails, c'est dans cette chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ndakoumane. Les amateurs du ballon rond qui peuplent massivement les stades pour soutenir les équipes ont beaucoup contribué dans le processus de l'évolution du football burundais. Rapport au général de brigade de police, Alexandre Muyenge, président de la FFB, Fédération burundaise de football. Comme on dit, les fans ou les supporters, c'est le 12e joueur. C'est ce qui fait l'ambiance du football. Là, je peux féliciter sincèrement les fans, avoir leur esprit de fair play, surtout qui les caractérise. Dans des stades, je dirais presque toutes les équipes ont leurs fans, mais bien sûr à un degré différent. Il y a certaines équipes qui ont beaucoup de fans, il y a d'autres qui ont moins de fans. Le général de brigade de police Muyenge demande aux équipes qui ont peu de supporters de toujours améliorer les talents en vue d'emboîter le pas aux autres. Et je demanderai à ces équipes qui n'ont pas beaucoup de fans de pouvoir s'organiser aussi pour qu'ils puissent avoir beaucoup de fans. Tu peux être une équipe jeune et avoir beaucoup de fans, alors qu'il y a d'autres équipes qui ont plus de 20 ans, 15 ans, qui ont peu de fans. Alors tout cela dépend de l'organisation de chaque club. Le président de la FFB félicite également les journalistes sportifs, affirmant qu'ils se donnent corps et âme pour promouvoir le football burundais. Mais aussi féliciter les journalistes, parce que ce sont les premiers à faire connaître le football burundais, comment ça se fait. Même si les fans s'accruent au stade, c'est grâce aux journalistes qui ont diffusé dans des différentes émissions et les fans ont entendu « Ah, tel journaliste a dit ça, ok, il faut aller supporter notre équipe ». Donc, je félicite aussi les journalistes et je les remercie sincèrement de leur travail, combien ils se donnent corps et âme pour diffuser le football burundais. Alexandre Muyenge renseigne pourtant que certaines équipes éprouvent des difficultés financières, expliqua que cette situation est due notamment au manque de sponsors de la part de certaines sociétés. Nous faisons face à un problème sérieux de sponsors. C'est-à-dire que même Brarudi, qui est notre sponsoriseur principal, avec l'argent qu'il met dans le championnat, vous tous, vous voyez que c'est pas ce qu'il fallait. Nous essayons de contacter d'autres sociétés, mais souvent, ils sont réticents. Certaines sociétés sont réticentes. Nous essayons de les expliquer le bien fondé de sponsoriser le football burundais. Mais toujours, ils y craignent, soi-disant que le football ne donne rien, je ne sais pas quoi. Mais nous essayons de toujours faire des contacts. Espérons qu'un certain jour, nous aurons un beau sponsoriseur et les prix des gagnants peuvent être revus à la hausse. Le général de brigade de police Alexandre Muyenge appelle les présidents des clubs de football à mieux s'organiser et sensibiliser les partenaires à apporter les contributions pour les équipes respectives. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouayo pour la collaboration technique. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Léonce Vitalihu.